tout d'abord, j'aimerais rappeler l'origine de ce colloque, comment il est né. Évidemment, nous sommes dans la pleine année du tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon en 1719. Et je dois avouer que c'est une proposition qui est arrivée par Nathalie Grande, qui est à ma gauche et qui est professeure à l'Université de Nantes, lors d'une rencontre que j'ai pu avoir un colloque qui était organisé à l'Université de Rennes en janvier 2016 sur les amants magnifiques. Et qui m'a été, cette proposition qui m'a été faite par Nathalie et que j'ai immédiatement acceptée en me disant qu'évidemment Versailles ne pouvait pas passer à côté du tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon. Et donc tout cela a été immédiatement conclu et s'est passé dans une excellente bonne humeur depuis 3 ans que nous travaillons ensemble sur ce projet. Et donc, je le dis publiquement devant Nathalie, toute la joie que j'ai eue à travailler avec elle pendant ces 3 années à préparer ce colloque. Ça tombe bien, c'est réciproque. Et donc, ce colloque a précédé une exposition qui se tiendra à Versailles dans un peu moins d'un mois, qui se tiendra dans l'appartement de Madame de Maintenon. Et on est très heureux de pouvoir faire à la fois le colloque et l'exposition dans l'appartement de Madame de Maintenon. Alors j'en viens tout d'abord à une présentation un petit peu globale de Madame de Maintenon. Hein, tout le monde la connaît, mais c'est vrai que c'est une grande inconnue qui a traversé le grand siècle, qui a vécu auprès de Louis XIV pendant plus de 40 ans. Et donc c'est une dame très importante à Versailles, qui pourtant n'a pas la notoriété qu'elle devrait avoir. Le destin extraordinaire de Madame de Maintenon n'a pas échappé à ses contemporains, pas plus qu'à ses biographes. Voilà ce qu'on écrivait dans son incipit Louis-Antoine de Caraccioli en 1786, 100 ans après la création de Saint-Cyr, du moins l'institution de Saint-Cyr. Donc voilà ce qu'il écrivait dans la vie de Madame de Maintenon. Ce fut au sein du calvinisme, l'an 1635, et dans les prisons de Niort, en Poitou, que naquit cette femme, aussi illustre par ses malheurs que par ses vertus. Sa vie, qu'on croit un roman au premier coup d'œil, se développe comme l'ouvrage de la Providence, pour peu qu'on en suive les détails. Pour confirmer ce fait, il n'est qu'à parcourir la fabuleuse destinée de Françoise d'Aubigné, née en novembre 1635 dans l'enceinte de la prison de Niort, alors que son père y était enfermé pour dette. Cette enfance difficile la contraignit à mendier son pain dans les rues de La Rochelle, et malgré une tentative paternelle entre 1644 et 1647 dans les îles de Marie-Galante notamment pour s'enrichir, ce qui valut plus tard à la jeune femme son surnom de Belle ou Jeune Indienne, le retour dans la métropole fut difficile. Après avoir été recueillie un temps chez sa tante paternelle, Louise Artémise de Villette, au château de Murset, la mère de sa marraine réussit à l'arracher de ce milieu protestant pour la mettre chez les Ursulines de Niort, puis à Paris, assez rapidement. Alors, je résume évidemment toute cette partie de la vie de Madame de Maintenon. Et préférant le mariage au couvent, elle épousa à 16 ans le fameux poète burlesque Paul Scarron. En lui ouvrant son salon littéraire et tout le monde intellectuel de Paris, l'homme de lettres lui ouvrit et lui forma surtout l'esprit. Toute la destinée de Françoise d'Aubigné a été tracée par cette rencontre providentielle. Ce fut grâce à son époux qu'elle rencontra notamment la future marquise de Montespan. Quelques années plus tard, se rappelant la douceur de la dame spirituelle, la nouvelle favorite royale faisait appel à elle pour avoir soin des enfants nés de ses amours adultères avec le souverain. La légitimation en 1673 de ses premiers enfants devait leur permettre d'apparaître au grand jour, à l'instar de leur gouvernante qui parut désormais à la cour. Celle qui ennuyait initialement Louis XIV et qu'il nommait dédaigneusement à Madame de Montespan « votre bel esprit » sut progressivement gagner l'amitié du souverain, laissant les courtisans étonnés de l'ascendant qu'elle avait pris. On connaît la suite, elle devint l'épouse secrète de celui qu'on appelait le plus grand roi du monde. Depuis sa nomination comme seconde dame d'atour de la dauphine Bavière en décembre 1679, sa place intriguait et subjuguait. Madame de Sévigné l'avait bien compris lorsqu'elle écrivait à sa fille le 27 septembre 1684 « La place de Madame de Maintenon est unique dans le monde, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. » La légende était lancée. Comme vient de nous le rappeler Mathieu Davina, l'histoire de Madame de Maintenon, c'est donc une histoire de conte de fées. Comment une bergère a épousé un prince, ou plus précisément, comment une petite fille née en prison est devenue l'épouse du plus grand des rois. Une mésalliance si inouïe que les historiens ont longtemps eu du mal à l'admettre et qu'encore aujourd'hui, il plane une sorte de mystère sur ce destin presque romanesque, car toutes les rationalités qu'on peut convoquer pour chercher à le comprendre se heurtent à une part d'inexplicable. Madame de Maintenon est une énigme, pour nous, comme elle l'était pour ses contemporains. Le témoignage de Primi Visconti, dans sa chronique de 1680, montre bien comment elle laissait les uns et les autres perplexes. Toute la cour était étonnée que la préférence fût pour la Maintenon, personne inconnue, veuve du poète Scarron, née en Amérique, et pour qui la charge de gouvernante des enfants naturels du roi semblait être le comble de la fortune. Cependant, le roi vivait la plupart du temps auprès de Madame de Maintenon, au préjudice de ses visites à Madame de Montespan et à Mademoiselle de Fontanges. Personne ne savait ce qu'il fallait en croire, car elle était âgée. Les uns la regardaient comme la confidente du roi, les autres comme une entremetteuse, d'autres comme une personne habile dont le roi se servait pour rédiger les mémoires de son règne. Il est certain qu'aux habits, à l'ajustement et aux manières, on ne savait pas à qui l'on avait affaire. Beaucoup étaient d'avis qu'il y a des hommes dont les sens sont plus portés vers les vieilles que vers les jeunes. Un modèle que d'autres pourraient suivre. Rappelons donc en effet que Françoise d'Aubigné, née en novembre 1635, avait 48 ans lorsqu'elle épousa le roi, lui-même âgé donc de 45 ans. Et il faut bien un mystère pour expliquer le charme qu'un roi encore jeune pouvait trouver à une femme qui était son aînée de quelques années, mais à laquelle une vie réglée, comme pouvait l'être une vie pieuse, avait conservé, paraît-il, beaucoup de fraîcheur. À travers cet inexplicable et les hypothèses qu'on peut élaborer pour le cerner et le réduire, se dessine aussi la cartographie d'un destin féminin, inimitable, et qui modélise pourtant un certain nombre des voies féminines d'accès au savoir et peut-être au pouvoir. Pour ma part, l'idée de rendre hommage à Madame de Maintenon s'inscrit dans la lignée des travaux actuels sur les autrices du XVIIe siècle, où nous cherchons à faire sortir de l'ombre les invisibles, à valoriser les œuvres de femmes et à montrer leur influence sur l'histoire sociale et culturelle. Dans ce cadre aussi, Madame de Maintenon trouve toute sa place. Car si notre colloque se signale par une forte présence de spécialistes de littérature, c'est, comme l'a signalé le titre du dernier colloque consacré à Madame de Maintenon, celui qui a été organisé par Marie-Emmanuelle Piagnol-Dieval et Christine Mongenot, parce que Madame de Maintenon est aussi une femme de lettres. Femme de lettres d'abord au sens strict, par l'ampleur de sa correspondance, plus de 5000 lettres nous sont conservées. Ce volume, ce corpus, fait d'elle une des plus grandes épistolières du XVIe siècle. Une récente édition, chez Honoré Champion, de cette ample correspondance par une équipe de spécialistes vient de la rendre plus facilement accessible. Mais Madame de Maintenon avait ce talent des lettres dès sa jeunesse, puisque c'est par le style de ses lettres que Scarron l'a d'abord remarqué, et c'est par une correspondance que leur relation a commencé. Femme de lettres, Françoise d'Aubigné l'est aussi parce qu'en épousant Paul Scarron, elle a épousé une des meilleures plumes du XVIIe siècle. Et quand, des années plus tard, elle a l'occasion de transformer ses valeurs en actions, fidèle à l'esprit de la préciosité de sa jeunesse, elle choisit à Saint-Cyr de donner la plus grande place à l'éducation par les textes et par la langue, au point d'écrire elle-même des textes pédagogiques, aussi bien que des proverbes dramatiques. Enfin, on trouve la preuve de sa fidélité au livre dans le choix qu'elle fait de se faire représenter pour la postérité un livre en main dans le beau portrait d'elle qu'a peint Pierre Mignard. Le goût des lettres, l'art de bien écrire et le souci de bien dire étaient donc des traits distinctifs de sa manière d'être au monde, sans doute un héritage de sa jeunesse précieuse. Alors pourtant, cet aspect de femme de lettres n'était pas gagné d'avance. Dans les mémoires de Madame de Maintenon, qui ont été recueillies par les dames de Saint-Cyr, on trouve cette célèbre anecdote. Elle se mit un jour à brûler tout ce qu'elle ne voulait pas laisser après elle. Quantité de lettres du roi pendant le siège de Mons, etc., en disant « Laissons de nous le moins que nous pourrons » et quand tout fut brûlé, elle dit « Me voilà hors d'état de prouver que j'ai été bien avec le roi et qu'il me fait l'honneur de m'écrire. » Mademoiselle d'Aumale, à qui cela fit de la peine, en sauva quelques-unes et nous en avons aussi sauvé d'autres. On a fait un recueil de toutes ces lettres. Alors Mademoiselle d'Aumale étant la secrétaire de Madame de Maintenon au début du XVIIIe siècle. pour cerner les différentes facettes du personnage, il y avait nécessité d'avoir des intervenants pluridisciplinaires. Et c'est vrai que lorsque Nathalie m'a demandé de participer avec elle, ça rentrait pleinement dans l'esprit du centre de recherche qui a été créé par Béatrix Saul, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, et d'avoir cet esprit de pluridisciplinarité à la fois des littéraires, des historiens d'art, des conservateurs. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers ce colloque, puisque, comme vous le verrez et comme vous avez pu le voir par le programme, il y a à la fois évidemment des professeurs, que ce soit en littérature, en histoire de l'art, mais également des conservateurs. Nous ne sommes pas les premiers, comme l'a dit Nathalie, à nous lancer dans un colloque sur Madame de Maintenon. Néanmoins, il n'y en a pas eu tant que cela. Ce regain d'intérêt pour la seconde épouse de Louis XIV, nous le devons à Françoise Chandernagor et à son Allée du Roi, mémoire fictive de Madame de Maintenon, publiée en 1981 et qui ont permis de la sortir de l'ombre à ce moment-là et de la faire connaître un peu mieux au grand public. En 1996, s'est aussi tenu un magistral colloque à Niort, auquel ont participé certains d'entre vous, qui s'intitulait « Autour de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon », qui a été publié depuis en 1999 chez Albinet à Na, cahier d'Aubigné en deux volumes en 1999 sous la direction d'Alain Dinaire. Alain Niederst, alors qu'un deuxième colloque sous la direction de Christine Mongenot, que nous avons évoqué, de Marie-Emmanuelle Plagnol-Dieval, sur Madame de Maintenon, femme de lettres, a été publié également en 2012. Au contraire de ce dernier, avec Nathalie Grande, nous nous sommes plutôt centrés sur le personnage, à l'instar de celui de Niort. Il était important pour nous de revaloriser l'image historique et littéraire de Madame de Maintenon, ce qui a été entrepris à la fois chez les littéraires et les historiens depuis quelques décennies. Le plan du colloque thématique, alors là, vous l'avez, mais on vous le met un petit peu sur l'écran. Donc, thématique et non chronologique tente de répondre à cette multiplicité des approches en mettant en avant l'action de Madame de Maintenon, d'où ces verbes qui scandent les différentes sessions. Bien évidemment, nous sommes conscients de ne pas tout englober, mais nous multiplions les focales pour essayer d'approcher au plus près de Madame de Maintenon, qui, après avoir brûlé la majorité de ses papiers personnels, aurait déclaré « Je resterai une énigme pour le monde ». Alors nous allons donc tenter pendant ces deux jours et demi de lever quelque peu le voile sur cette énigme à travers les différentes communications que nous vous proposons. Et c'est l'occasion pour nous de remercier vivement et très sincèrement tous les intervenants qui ont accepté assez rapidement les commandes que nous leur avons passées ou en fonction aussi de l'appel à communication que nous avons reçu. Et donc, j'espère que tout cela permettra de lever le voile sur cette énigme. Maintenant, je vais me faire, avant de commencer, on va peut-être commencer un petit peu plus tôt, puisque si on a l'occasion de commencer un petit peu plus tôt, le père Fouettard, voilà. Et rappeler aux intervenants que vous avez 30 minutes de parole, et 10 minutes de questions qui suivent immédiatement votre communication. Et si vous prenez 35 minutes, vous n'avez plus que 5 minutes. Et si vous prenez 40 minutes, vous n'avez plus de questions. Voilà, je suis assez radical. C'est clair. Non, mais tu n'es pas le père Fouettard, tu es le monsieur loyal du colloque. Donc c'est très bien. Voilà. Bon, on va demander aux premiers intervenants de venir s'installer. Et je souhaite à toutes et à tous un très bon colloque.